J'écoute plus trop de rap, gros. J'écoute des instrus et j'rappe, gros. Et t'inquiète, j'suis toujours là, t'as vu. Et quand j'en vois, tu comprends qu'ils sont dans la vue. Pétard de soquet, sky dans le gobelet. Le sniff de la caille qui est coupé. Y'a des mecs à l'école qui avaient le goûter. D'autres qui goûtaient, est-ce qu'il y avait à goûter. Ils ont douté de moi. Le niveau est fait, vous vous foutez de moi. Que des mecs shootés, j'ai tout envoûté. Vous vous souvenez de moi. Celui qui a déjà niqué des merdes dans le passé. Qui est de retour aujourd'hui pour déclasser. Assez, dommage à notre tour de manger. Brasser. À votre tour de débarrasser. Allez. Et tout le monde m'a dit phénophélé. C'est des acteurs qui sont bons qu'à faire des félas. En effet j'ai failli faire la fête avec eux. Mais grâce à Dieu ça s'est passé avant. Je me suis même posé la question. C'est mes sons ou le shit qui les rend de fous. Ouais ça kick mais tu sais premier clip. On était 4 ou 5 max au rendez-vous. J'oublie pas d'où je viens mani. J'oublie pas qui m'a toujours soutenu. Et quand fallait bouger pour moi mani. J'oublie pas les chacals qui sont venus. Je me casse plus la tête mais je vais casser la vôtre. Elle m'a cassé la biche, je lui ai cassé le dos. Et dorénavant y'aura plus de pitié. Donc pour le business faudra donner avant. Ramener du cash, donner à temps. Comme ça c'est cash, ego comme ça c'est dit. Je les baisse sans les clash et je me les lais avant. J'ai pas de marabout mais j'ai beaucoup prédit. Dédicace se feront rares car les vrais se transforment en rats. Et quand la suite arrivera, c'est ta mère qui t'informera. J'ai signé les bails, faut que je rentabilise. J'ai fait dans la neige, pas celle des alpinistes. Je comprends les rageux car quand j'analyse, moi je constate que mon rap il déstabilise. Ouais, je constate que mon rap est déstabilisé. C'est des moralistes, mais avec la miss. Ils aiment faire mumus, jeter du ralice. Donne la force à mi-temps, et pour le projet du poteau, ça m'est même pas 10. Et j'ai pris du temps à comprendre, et j'ai pris du temps à mettre en pratique. Et la vie, c'est Vinch, quand tu sais qu'il y a des S, des F à 8 ans. Y'a aussi des darons en S inquiétant. Quand tu vois leur fils en boîte, je t'ai quiche, ta gros. Moi, j'ai de la tau solo, j'ai grandi en mec, j'connais pas trop tout ça. On veut pas de leur pain, toujours été vrai, pas de coussi coussa. C'est la guerre dans le 7-5. Disons qu'il y a des personnes à ne pas fréquenter. Y'a des voyous grantés ou ouais, des vrais brigantés qui font la taille de Kanté. J'viens récupérer ma bague. J'les ai vus sucer la bague. Le temps ne m'arrêtera pas. Laissez-moi faire le travail. J'viens récupérer ma bague. C'est là-bas. Le temps ne m'arrêtera pas. Laissez-moi faire le travail. Listen. Listen.